Oui, bonsoir à tous. Eh oui, bien, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Enfin, disons que c'est une espèce d'ongulé, si vous préférez. D'ailleurs, à l'époque, Pascal ne promenait-il pas à tout va son jeune protégé alors ? Que l'on choisisse la première ou la seconde de ces deux options, dans le jugement portant sur le principe de la musique, cela aurait pour seule conséquence d'en modifier la définition. Ou bien, ne riez pas, Philippe. Comme nous l'avons fait, on la tient pour un beau jeu des sensations par le truchement de Louis, ou bien c'est un jeu de sensations agréable. Le reste appartient à l'histoire. L'association des Beaux-Arts en une seule et même production. Quelle viendra-t-il demain? L'éloquence peut être associée dans une pièce de théâtre à une présentation picturale de ses sujets comme de ses objets. La poésie peut être associée à la musique dans le chant. Eh bien, cher Tom, celui-ci a une présentation picturale dans un opéra. Pascal ne promenait-il pas le jeu des sensations